Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors cette semaine, c'est un podcast un petit peu particulier que vous allez avoir puisque je vais vous parler du livre, le dernier livre d'Ève de Candoli qui s'appelle « Oser le polyamour ». Ce n'est pas à proprement parler un récit érotique. Vous savez, ça fait partie de la collection chez la Musardine des Osées. C'est pas Oser 20 histoires de cul, de sexe, etc. Là, on est plus sur des conseils et des plein d'infos pour aborder soit une technique de cul, soit une manière de vivre. Et là, avec ce livre « Oser le polyamour », Ève nous propose de plonger complètement dans le polyamour. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se gère, des conseils pour bien le vivre, sur tout ce qui peut se présenter, etc., etc. J'ai décidé du coup d'interviewer Ève et l'épisode de cette semaine est un peu particulier. Je vais vous emmener plongée complète dans le livre et dans le monde du polyamour. Vous allez avoir une interview d'Ève entrecoupée de lectures de passages du livre. Je vous laisse découvrir l'univers du polyamour. Vous allez voir. Il est question de liberté, de changer de modèle et de conscience. Alors bonjour Ève de Candoli, je suis ravie de t'avoir. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir en interview, qu'on puisse parler un peu de ton dernier livre que je viens de finir et je me suis régalée, qui s'appelle « Oser le polyamour ». Moi, de ce que j'ai compris du polyamour, c'est que c'est avant tout une nouvelle manière d'envisager la relation à l'autre et à soi, c'est-à-dire sortir de la possessivité pour laisser l'autre libre et se laisser libre. Voilà, qu'est-ce que tu rajouterais d'autre, toi, sur cette définition du polyamour ou de la polyamorie ? C'est aussi se placer dans le temps, en fait, plutôt que de voir ses amours de façon séquentielle, c'est-à-dire les unes après les autres. De pouvoir envisager, effectivement, à la fois pour soi, d'avoir plusieurs relations en même temps, pour sa partenaire ou ses partenaires, et ses potentiels partenaires. Donc, c'est aussi pouvoir... Bon, moi, je trouve que ça... Aussi, tu bien les choses dans le temps, pouvoir aussi paralléliser en fait les relations. Plusieurs en même temps. Le polyamour permet de vivre en parallèle plusieurs relations intimes, d'être multipartenaire et non exclusif exclusive. Par définition, le polyamour est une façon de penser vos relations et une façon d'agir qui vous amène à envisager plus d'une relation intime en même temps dans votre vie ou celle de vos partenaires ou potentiels partenaires, avec l'accord de toutes les parties en présence. Qu'il soit question ou pas de sentiments, et qu'il soit question ou pas de relations sexuelles. Vous pouvez être polyamoureux, amoureuse, célibataire, en couple, marié ou non, en trouple, en constellation, en communauté. Cela peut concerner une, deux, trois, quatre, cinq personnes ou bien plus. L'idée phare, c'est de ne plus penser vos relations comme des bulles qui doivent se séquencer. Elles peuvent tout à fait coexister en même temps, quelle que soit leur taille, et être très solides, durables ou d'une jolie lueur éphémère. Ce qui m'étonne toujours, c'est la sincérité avec laquelle on me demande, lors de mes séances de dédicaces, « Ah bon ? On peut aimer plusieurs personnes en même temps ?» J'ai souvent envie de répondre « Bien sûr !» Sinon, il n'y aurait pas autant de relations extra-conjugales. Et tac. Mais on me répondrait peut-être, c'est que l'on n'aime plus vraiment la personne avec qui l'on est. Ouh là là, la vilaine croyance que voilà, on en reparle très vite. Oui, je sais, déjà à deux, c'est pas facile. Cette phrase me fait beaucoup sourire tellement je l'ai entendue, prononcée avec sincérité par tant de bouches différentes. En fait, le polyamour change la donne. Certains problèmes disparaissent, d'autres émergent. Ce n'est pas plus facile ou difficile, c'est différent. Car il s'agit de repenser les relations humaines pour partager des moments de qualité avec chacune. Je suis en revanche toujours un peu déroutée par les réactions de rejet au sujet du polyamour, les plus douces étant « ce n'est pas fait pour moi », jusqu'aux insultes sur le danger encouru pour la société. C'est transgressif le polyamour. C'est la liberté de cumuler plusieurs options dans la vie. tu dis que le polyamour, ça peut être sentimental ou pas, ou enfin romantique, et sexuel ou pas. Du coup, moi, c'est quoi la différence entre le polyamour et le libertinage si c'est un polyamour qui est uniquement sexuel et pas sentimental? Et c'est quoi la différence entre une amitié et du polyamour si c'est une relation qui est non sexuelle? Et bien du coup, en fait, c'est dans l'implication qu'on peut avoir dans nos relations. Après, sur l'amitié, ça, on touche une limite. On peut en discuter. Je vais juste revenir sur la question du libertinage. Ouais. Sur le libertinage, en fait, l'intention compte avant tout. C'est-à-dire que quand on s'éclate dans le libertinage, quand on s'amuse beaucoup, on n'a pas forcément envie de s'investir dans la vie des personnes avec qui on partage des moments de folie. Et par exemple, moi, j'ai eu très longtemps beaucoup d'amants et on n'avait pas spécialement en fait d'implication romantique, ça c'est sûr. Et en plus, on n'avait pas spécialement d'implication dans la vie des uns des autres. On partait parfois en vacances, mais on ne se parlait pas en fait de notre quotidien, on ne partageait pas du tout ces choses-là. Ouais. C'est vraiment dans le truc on a envie d'avoir du fun et puis on est bien comme ça. Mais en plus que d'avoir du fun, c'est vraiment à quel point on s'investit dans la vie de l'autre. Et je pense que ça fait une vraie différence. Et puis surtout, en fait, est-ce qu'on est dans un rapport de consommation? Ou Oui. pas. Et on D'accord. peut, voilà, dans le libertinage, c'est pas grave hein, de consommer, c'est pas grave d'avoir du sexe et de prendre plein de plaisir. C'est juste que du coup, la démarche n'est pas tout à fait la même que dans le polyamour. On est plus dans une démarche de connexion avec les autres, peut-être un peu plus, pas forcément plus intense, mais en tout cas plus large. Dans les émissions de télévision, on voit souvent un couple, plutôt jeune, formant un trio avec une tierce personne. Tous les protagonistes sont beaux et, cerise sur le gâteau, ils ont l'air super cool et heureux de vivre, ce qui peut être vrai pour une grande partie de leur temps. C'est un stéréotype visant souvent à érotiser le polyamour plutôt qu'à le décrire, comme s'il s'agissait d'une bonne affaire ou d'une promotion au rayon partenaire. Et le polyamour peut devenir à tort un fantasme, celui de pouvoir avoir plusieurs partenaires sexuels. Comme le dit en ligne un statut Facebook populaire, les gens croient que le polyamour, c'est coucher avec tout le monde. Le polyamour, en vrai, c'est se coucher seul, mais texter à 15 personnes par jour qu'on les aime et qu'on tient à elles. Il y a de longs débats, particulièrement sur les hommes mariés infidèles, qui se revendiquent polyamoureux tout en cachant leurs relations extra-conjugales à leur femme. Si votre liaison est cachée, si c'est votre jardin secret, il est possible que vous aimiez plusieurs personnes dans les faits, sans pour autant être polyamoureux. Le risque que vous faites peser sur vos relations est que le mensonge sera vécu comme une trahison lorsqu'il sera découvert, ce qui arrivera a priori malheureusement tôt ou tard. L'adultère, c'est de l'infidélité, car il y a une transgression de l'engagement pris. La fidélité peut être une des aspirations du polyamour. On fait ce que l'on dit et l'on dit ce que l'on fait. La fidélité étant entendue comme le devoir de se conformer aux engagements librement consentis. Les risques liés à l'adultère sont plus importants que les bénéfices instantanés, car une fois que la confiance est rompue, il est très difficile de construire à nouveau avec une personne. Pour autant, j'ai envie de penser que les aventures ouvrent une brèche, une possibilité aujourd'hui de devenir mature sur ce projet de vie et d'aller jusqu'à l'assumer pleinement. Raphaël, un ami libertin de longue date, m'a étonné en me racontant que sa femme était venue le voir parce qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme que lui. Chérie, je suis tombée amoureuse. Ah, super. Je te sentais rayonnante. Comment ça, super? C'est tout ce que ça te fait? Tu n'es pas jaloux? Tu sais, je suis encore très amoureuse de toi. Tu crois que l'on peut aimer deux personnes à la fois? Oui, ça s'appelle le polyamour. Comment tu connais ça, toi? Je suis un adulte, tu sais, et puis tu l'aimes lui pour certaines raisons et tu m'aimes moi pour d'autres raisons, non? Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est très bien. Nous sommes complémentaires. Cet ami illustre le fait que l'on peut évoluer vers des relations ouvertes et éthiques, même si on a eu un parcours adultérin avec un jardin secret auparavant. Je suis un peu utopiste. Alors, Comment convaincre votre partenaire d'être polyamoureux, polyamoureuse? Je vous réponds tout de même par une question. Êtes-vous prêt à ce que votre partenaire soit aussi libre que vous? Car telle est l'une des premières questions à se poser dans cette configuration-là. Si la réponse correspond à un statut Facebook de situation sentimentale confuse du genre « c'est compliqué », alors il est probable qu'effectivement ce soit délicat à gérer. Pas de stress. On va parler d'échange et de communication dans ce livre. Mais pas la peine d'afficher polyamour sur tous vos comptes des réseaux sociaux si ça n'est pas le cas et que vous n'avez pas osé jusqu'à présent aborder cette thématique au sein de votre couple constitué sur une base à deux. En fait, je considère que si on va jusqu'à fond dans les relations avec les amants, c'est une des possibilités. Eh bien oui. Ça correspond à tous les couples qu'on lit, ça ne correspond pas à tous les couples libertins. Mais à jouer comme ça avec la relation intime à l'autre, ça peut enclencher en fait des relations amoureuses. Et moi, ça m'arrive donc assez régulièrement quand même de tomber amoureuse. Donc je trouvais ça intéressant. Et apparemment, et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs avec le retour sur l'infidélité promise, c'est que je ne suis pas la seule. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont libertines et qui finalement, ça leur arrive. Et de vivre ça toute seule, parce que quand tu romps avec un amour, évidemment, tu es toujours un peu seule. Tu n'as personne à qui en parler. Ouais. Et puis, finalement, de re-questionner ces relations libertines, il y en a aussi qui ont envie d'aller plus loin. Qui ont envie, en fait, de dire je t'aime, d'être, d'être complètement puissante, quoi. Ouais, ouais. Mais toi, au départ, toi, t'étais vraiment candoliste et libertine. Oui. Et maintenant, quand on lit ton livre Oser le polyamour, en tout cas, on comprend que tu dis non, maintenant en fait je suis polyamoureuse en fait, puisque j'assume que j'ai des amours en fait. Donc c'est pas si simple que ça en fait. Ok. Moi j'ai dit justement, j'ai écrit aux polyamour, on me dit ah bah donc t'es devenue polyamoureuse. Et en fait non, moi je ne choisis pas. Les relations viennent comme elles viennent, elles ont la forme qu'elles prennent au fur et à mesure. Ouais. Elles viennent, c'est-à-dire que j'ai des relations libertines, mais purement libertines, qui vont être que des relations de cul, vraiment. Là-dessus, et je continue d'avoir des amants où on a une relation uniquement là-dessus, et c'est tellement bien que on va pas faire évoluer la relation, elle est juste très bien comme ça. Oui, j'ai pas envie que tu me racontes ta vie, et j'ai pas envie de te raconter la mienne, parce qu'en fait, juste envie de partager du cul, parce que c'est cool. C'est ça. Et après, j'ai des relations cordelistes encore avec des amants, justement, qui vont jouer sur ce truc-là, à être très complices avec mon mari, et à continuer, en fait, à être là-dedans. Mmh. Et par ailleurs, en fait, c'est vrai que j'ai des personnes, en fait, qui vont parfois même pas être du milieu libertin et qui sont, par contre, plus au fait de ce qu'est la polyamorie. Ouais. Et là, en fait, on peut vraiment en fait, vivre des choses qui sont qui relèvent plus du polyamour. Mais en fait, je ne mets pas du tout de barrière et pour moi, ça dépend vraiment des rencontres qu'on fait. Mais alors, qu'est-ce qui nous unit? Si personne ne domine personne et ne contraint la préservation de l'union pour assurer la descendance, sur les forums, en commentaire des articles de Françoise Saint-Père, dans l'espace public en général, le polyamour dérange. J'ai pris conscience de la dimension politique du polyamour quand j'ai vu l'opposition violente de certaines personnes. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut leur faire que je vive comme ça ? Je n'ai jamais piqué le mari de qui que ce soit, fait de mal à personne. Je me suis aperçue que ça les gênait parce que toute notre société est basée sur l'appropriation des ressources, la propriété privée. Tout le monde devrait être propriétaire, disait Sarkozy. Des gens qui ne veulent pas posséder qui que ce soit, qui ne veulent pas être dans cette prédation, parce que vouloir être propriétaire d'une personne, c'est être un prédateur. Il gêne. Si tout le monde vivait dans cette ouverture et ce partage, ça changerait bigrement la société. Le but du couple, c'était de rassembler la terre de deux familles. C'est très lié à la transmission des biens. On essayait de préférence de marier la fille au fils du paysan d'à côté pour que les champs soient joints et que cela fasse un plus grand domaine. On ne parlait même pas d'amour. Les mariages d'amour sont récents, ça date du début du XXe siècle. Pour moi, le couple, c'est la cellule originelle de l'économie, l'unité économique de base. J'ai déjà entendu, si tout le monde vivait comme vous, la société ne tiendrait plus. Le polyamour va à l'encontre des valeurs dominantes de propriété et de pouvoir. On est vraiment polyamoureux quand on se dit qu'une autre personne ne vous appartient pas et qu'on ne raisonne plus en termes de couple, mais de personne. Françoise Saint-Père. Bien sûr que tu peux être dans des relations polyamoureuses et te taper des putains de crises de jalousie. Et parce que... Oui. Eh ben c'est super, c'est-à-dire que... Enfin, c'est super, c'est pas génial à vivre, mais c'est bien, en fait. C'est ça. Ça, en fait, quand ça arrive, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et finalement, en fait, le sentiment d'insécurité que ça peut faire naître chez soi ou chez l'autre, ben, je crois qu'on peut en discuter, en fait. Il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est une émotion qui nous traverse. Oui, effectivement, et si demain on n'était plus ensemble, qu'est-ce qui se passerait? Bon, d'accord. Peut-être qu'on peut se poser la question. Oui. Et effectivement, peut-être que ça changerait vraiment. Oui. Et là, ben, peut-être, mais en fait, oui, on tient l'un à l'autre. Ben, voilà, je crois qu'on tient l'un à l'autre. Donc, pourquoi cette jalousie? Qu'est-ce que moi je cherchais effectivement quand je vais plusieurs fois par semaine chez un amant? Effectivement, c'est parce que moi j'ai un truc qui me ramène en adolescence, j'ai l'impression de pas vieillir, j'ai l'impression effectivement que c'est super génial et d'être connectée à l'autre de façon incroyable. Et ben voilà ce que moi je viens chercher. Après, il y a plein de trucs que j'ai mis en passage aussi. Il y a toujours, c'est ce que dit toujours Esther Perret sur les relations. Hein. En fait, souvent, il y a la peur de la mort derrière, en fait. Ça va assez loin, ces choses-là. Mais c'est hyper important de se l'avouer. Mmh. Enfin, moi, je trouve ça cool. Ah, je crois que c'est essentiel, la conscience de la mort. Mmh. C'est ce qui nous permet d'être moins cons, en fait. Voilà, c'est ça. Parfois, ça peut souffrir un peu. Mais si on est assez intelligent pour justement pouvoir en discuter calmement et se poser des questions sur ben, quand est-ce que j'ai ressenti ça, pourquoi je l'ai ressenti, qu'est-ce que ça évoque en moi, ça marche bien, je trouve, en fait, ces questions-là, si on n'a pas de... On n'est pas dans l'insécurité financière et matérielle. Après, je trouve que c'est un peu plus compliqué, en fait. Mais bon. C'est-à-dire J'ai l'impression que, tu vois, moi, ça marche bien parce que j'ai aucune insécurité financière et matérielle. Oui, c'est-à-dire que si, par exemple, tu devais te séparer de ton mari, tu serais totalement autonome, il n'y aurait pas de souci. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, en fait, nous, on n'a pas de problème de salaire... C'est autonome, en fait, moi, si j'aurais pas ce problème de toutes les filles qui sont en famille monoparentale avec un enfant et qui ont à peine de quoi survivre et qui se trouvent effectivement en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Ça, c'est quelque chose là, effectivement, sur ces cas-là, effectivement, envisager le polyamour, c'est compliqué. Et pourtant, il y a des gens que ça attire quand même. Mais moi, ma question, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est plus compliqué si t'as pas de thunes? Parce que c'est probablement le temps, en fait, ce que t'as disponible par rapport à ta survie. Par rapport au temps disponible que tu aurais par rapport à des activités que tu pourrais considérer comme je sais pas. Là, pour le coup, je demande à voir. Ça m'a posé question, cette histoire du polyamour en situation, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que d'un coup, le problème, c'est le temps que tu consacres. Donc, en fait, le polyamour, ça devient comme une activité, du coup. C'est-à-dire qu'il faut côté ton... Mais d'ailleurs, t'en parles, hein. Je me suis dit, waouh, ça m'a fait drôle, t'en parles quand tu dis, c'est d'avoir un Google Agenda pour organiser tel jour je vois telle personne, pour être sûr de penser à voir les personnes. Mais du coup, t'introduis un espèce de truc, tu perds un peu de spontanéité dans ton rapport à l'autre, du coup. Alors, moi, non, parce que... Non, d'abord, déjà, effectivement, j'utilise pas les Google Agenda, mais je l'avais vu, parce qu'il y a beaucoup de polyamoureux qui l'utilisent. Oui. Et moi, ce que j'essaye de faire, justement, c'est ce que j'essayais de mettre dans le livre, de se voir alterner. C'est-à-dire que, oui, on peut se prévoir un rendez-vous à l'avance, mais aussi, il faut savoir se dire, non, mais là, ce soir, j'ai carrément plus de se voir, on se voit. Tu vois, de pouvoir avoir de la... Ou de dire, hey, ce soir, on avait prévu de se voir, mais tu sais quoi, moi, je suis malade, et ça va pas être possible. Donc, de garder, en fait, aussi un pied avec la réalité. C'est pas juste être dans un truc programmé. Après, il y a un peu l'effet inverse quand tu es en couple monogame, et il y a un peu l'effet où l'autre fait partie du paysage au bout d'un moment. Donc, c'est aussi un effet négatif. Chaque situation a ses inconvénients et ses avantages. Hein. Mais je pense que, tu vois, pour plein de couples monogames, finalement, tu peux aussi perdre... la spontanéité assez facilement. C'est dans les conseils effectivement qu'on donne de pouvoir se reprogrammer d'ailleurs des moments coquins. Mais je reviens sur ce truc-là de le polyamour quand t'as pas de thunes, en fait. Et je me dis, mais si le polyamour, c'est avant tout... Moi, je l'ai vu avant tout, avant que ce soit une application, c'est avant tout une manière d'envisager tes relations et la vie. C'est juste se baser sur la liberté et pas sur la sécurité. C'est la grosse différence pour moi. Exactement. Et pour ça, moi, j'avais posé la question à Françoise Saint-Père, parce que je m'étais dit, mais tu fais comment, en fait, quand t'as un amour, en fait, qui a des difficultés financières, et puis toi, par contre, bah, ça va bien, alors comment tu gères le truc? Elle m'a dit, bah, dans ces cas-là, on fait chacun une fois selon le mode de vie de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, elle a donné l'exemple de quelqu'un qui était beaucoup plus riche qu'elle et qui l'emmène dans des grands restaurants à Paris. Elle avait dit, pas de problème. Quand on est à Paris, tu m'emmènes dans tes grands restaurants, mais quand tu viens chez moi, bah, du coup, on va dans mon micro-quartier, quoi. Ben oui. Tu vois, je te fais la cuisine à la maison, mais il faut savoir effectivement s'adapter au mode de vie de l'autre. Mais c'est comme dans n'importe quelle relation, ça, cela dit. Et ben non, parce que souvent, il y a beaucoup de non-dits, je trouve, dans la monogamie, et souvent, on va avoir tendance à dire, ah oh, bah si on a un des deux qui est riche, alors bon, bah allez, on en fait profiter tout le monde. Il y a un côté un peu, ça nous est dû, ah bah maintenant, on fait une fusion de tout. C'est un petit côté un petit peu comme ça, quand même. Ah, mais du coup, moi, je trouve que pour moi, je le classifierais pas en étiquette, en fait. Je trouve que c'est pas lié à la monogamie, c'est lié à est-ce que tu fonctionnes sur l'image ou est-ce que tu fonctionnes sur l'être? Parce que si tu Exact. fon et ça, c'est pas lié au fait d'être monogame ou polyamoureux, pour moi. Ouais. Maintenant, tu marques un point, effectivement. Parce que tu peux l'avoir aussi dans des relations plus classiques, monogames, où d'un coup, c'est bah, s'il y en a un qui a de la thune et l'autre qui a pas de thune, tu vas te retrouver soit à, bah, effectivement, tu fais en fonction, c'est variable, ou soit celui qui a pas de thune va se retrouver à avoir honte de ne pas avoir de thune, ou à se sentir dépendant, à se sentir redevable. Vraiment. Et ça. Le problème sera là aussi. Et Et c'est oui. là où on va justement bah, être dans une relation d'égal à égal comme. C'est ça. Parce que pour moi, ton bouquin, il parle aussi de. Il y a tout ce pan où ça ouvre la possibilité de multiplier les relations, mais il y a aussi tout un pan qui, pour moi, et d'ailleurs, tu emploies le terme de monogamie consciente, c'est de tout un pan de juste. Recalez-vous sur de la communication et de la conscience, en fait. Juste ça, en fait. Et ça, c'est applicable à n'importe quel type de relation, même au-delà des relations intimes et amoureuses, d'ailleurs. Je Ouais, trouve. ça. Donc, ça c'est sûr que le livre peut être lu par n'importe qui, même par des couples monogames, il y en a qui sont lus, qui ont trouvé ça très intéressant. Le polyamour peut faire peur. Les réactions sont très vives à chaque émission grand public sur le sujet, comme s'il s'agissait d'un marteau-piqueur défonçant le ciment social comme un synonyme de décadence, alors qu'il ne s'agit que d'innovation, de créativité. Ce en quoi le polyamour peut attirer des personnes anarchistes, anti-autoritaire, punk, tournant en dérision l'ordre social, queer, qui s'intéresse à tout ce qui dévie de la norme, naturiste, en faveur de la nudité par exemple, proscrite par le christianisme. Le polyamour est également révolutionnaire lorsqu'il s'agit d'abolir les privilèges de couple. En 1923, dans la Lettre à la jeunesse travailleuse, la révolutionnaire féministe socialiste russe Alexandra Kollontai parle de liberté amoureuse, d'amour-camaraderie. Qu'est-ce que l'amour-camaraderie? Cela ne signifie-t-il pas que l'austère idéologie de la classe ouvrière, élaborée dans l'atmosphère de combat des luttes pour la dictature du prolétariat, aurait l'intention de chasser sans pitié des relations sexuelles le tendre et frémissant Eros ailé? Absolument pas. Non seulement l'idéologie de la classe ouvrière n'a pas l'intention d'abolir Eros ailé, mais au contraire, elle dégage la voie pour que soit reconnue la valeur de l'amour en tant que force psychosociale. Ces émotions amoureuses doivent être fondées sur trois principes de base. Premièrement, égalité réciproque. Et pas fatuité masculine, ni esclavage dissolvant la personnalité de la femme dans l'amour. Deuxièmement, reconnaissance des droits de l'autre, excluant la prétention de posséder sans partage le cœur et l'âme du partenaire, sentiment de propriété créé et entretenu par la culture bourgeoise. Troisièmement, sollicitude de camarade, aptitude à écouter et à comprendre les mouvements de l'âme de l'être cher. La culture bourgeoise exigeait cette sollicitude dans l'amour unique de la part de la femme. Il est clair qu'à la place des vieilles plumes, l'idéologie de la classe montante saura en mettre de nouvelles aux ailes d'Eros, d'une force, d'une beauté et d'un éclat encore jamais vus. On verra grandir l'aspiration à exprimer l'amour, non seulement par les baisers et les caresses, mais aussi par l'action conjointe, l'unité de volonté, l'œuvre commune. Tu vois, quand j'ai écrit Oser le polyamour, la notion même d'amour, qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé ça intéressant à interroger. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes les neurosciences, c'est qu'on arrive justement à considérer que l'amour, c'est des moments d'amour qui sont des moments positifs. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre des moments positifs partagés avec des amis ou des amoureux. Oui. Et là, on touche en fait à quelque chose qui est très important. Et finalement, si on avait su ça il y a 15 ans, ça aurait peut-être changé notre façon d'envisager l'amour. Ah, mais certainement. Voilà. Et si maintenant, tu vois, donc c'est pour ça en fait que j'amène ces éléments-là sur le tapis maintenant. Et tout ce qui est communication, comme tu disais, moi, il y a 15 ans, on avait parlé de communication non-violente. Bon, je pense qu'on en avait déjà parlé. Du coup, c'est là où c'est amusant. C'est qu'en fait, on a beaucoup de réticence au sein de notre société pour faire avancer ces choses-là. Moi, quand j'ai regardé les histoires de communication non-violente, ce qui m'a embêté, c'est que ça a été inventé dans les années 70. Et là, je me suis dit, attends, comment c'est possible que la communication non-violente, inventée dans les années 70, en tout cas décrite dans les années 70, n'ait pas été mise en place par les sociétés humaines ? Je ne comprends pas. Et en même temps, tu sais, tu parles du... Je ne me rappelle plus son nom, la marxiste qui parle d'amour camaraderie. Ça date, c'est bien antérieur aux années 70 et le vrai marxisme n'a jamais été appliqué. Parce que comment ça se fait qu'on ne l'ait pas appliqué ? Ça implique ce que tu dis de mettre son ego de côté et d'accepter de ne pas être rassuré. Et c'est énorme. Et de plus être dans la propriété, effectivement, vis-à-vis des terres. Au départ, c'est oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une mise en cause, en fait, par rapport à notre façon d'envisager le monde. Mais je pense que cette remise en cause, finalement, elle va dans l'air du temps. Voilà. Bah, c'est, tu sais, moi, je voulais te poser la question, parce que du coup, si, vu que tu t'autorises maintenant à vivre aussi des relations de polyamour, à être dans une multiplicité dans le type de relations que tu peux avoir. Tu as des relations à la fois libertines, juste pour le fun, candolistes et polyamoureuses. Donc, du coup, tu touches à cette notion de liberté, de non-possession. Est-ce que ça se répercute ailleurs dans ta vie que sur la sphère relationnelle, la non-possession ? Oui, ça se répercute effectivement, hein, même sur à quoi sert ta vie. Le fait justement, on va pas dire que je suis une grande libérale. On va pas dire qu'effectivement, sur l'économie actuelle, tu vois, l'effondrement du capital... C'est sûr que ça joue en fait par rapport à ta vie, ta façon d'envisager les choses. Après, honnêtement, on est tous baignés dans une société de consommation qui est très, très particulier parce qu'en fait, on est baignés par notre culture. Et là où je trouve ça intéressant, moi, c'est que du coup, à minima, soyons honnêtes avec nous-mêmes, tu vois, c'est juste ça, à minima. Oui. On peut dire effectivement qu'on consomme, on peut dire que, on est influencé par plein de médias, par notre culture, mais soyons-en conscients. Les milliers de moments d'amour. Selon Barbara Fredrickson, professeure universitaire en psychologie et neurosciences aux États-Unis, spécialiste des émotions positives, l'amour est une sensation passagère que nous pouvons renouveler à l'infini. Aucune émotion n'est stable et dure des mois ou des années. Ah voilà! On nous l'avait caché jusqu'ici, mais ça commence à se vérifier scientifiquement. L'amour est une émotion. Il ne s'agit en rien de trouver cette personne unique et spéciale qui ne correspond qu'à vous, comme dans le conte de Cendrillon où la pantoufle de verre ne peut aller qu'à une seule femme. Selon Barbara Fredrickson, le cœur qui palpite dans votre poitrine est un muscle sur lequel vous pouvez compter et qui apprécie de ressentir des moments d'amour. Ces derniers se déroulent sur un temps très court, des micro-moments de connexion, où l'on partage un sentiment positif, authentique, avec une autre personne, comme rire avec un ami, faire un hug ou sourire à un bébé. Le nerf vague émerge du tronc cérébral, régule mieux le rythme de votre cœur et améliore votre état de santé en général, si vous vivez des moments d'amour au quotidien et dans le temps. C'est juste vital, et vous pouvez le ressentir en étant ouvert et sans fard, les yeux dans les yeux, à cœurs ouverts, tout sourire. Dans son livre Love 2.0, Barbara Fredrickson nous explique que les émotions positives ouvrent l'esprit et élargissent la palette des pensées et des actions. Elles engendrent des comportements flexibles, accueillants, créateurs et réceptifs. Mais partant de là, même serrer la main d'un ami peut se révéler être un moment d'amour, boosté à l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, tout aussi bon pour votre santé qu'un baiser d'amour, les hormones du plaisir et du bonheur en moins. Le polyamour a questionné mon rapport aux autres personnes. C'est quoi une relation? Une connexion? Est-ce forcément un lien? Un attachement? Comme on dit en psychologie pour la relation parent-enfant ou comme on nomme l'ocytocine, à laquelle on se booste en amour, l'hormone de l'attachement. Une relation d'interdépendance? Dans une connexion, qui va vers qui? Est-ce simultané? À méditer. Le sociologue Michel Bonzon nous dit que les histoires d'amour se construisent en réalité à partir d'échanges. C'est un processus progressif où chacun interprète les actes de l'autre. On ne tombe pas amoureux, on le devient. Il y a beaucoup mis en avant le fait que le polyamour te permet de te découvrir, puisqu'en fonction des relations, tu vas réveiller d'autres différentes parties de toi. Oui, tout à fait, les fameuses facettes, exact. Il y a beaucoup de gens en fait qui me disent ça. Et souvent en fait c'est un moteur dans le polyamour, c'est-à-dire qu'on a envie en fait de se connaître et de savoir toutes les possibles qu'on aurait pu être. Et oui, c'est assez frappant, c'est-à-dire que finalement quand tu commences une relation avec quelqu'un d'autre, et ça te reconfigure toi-même. C'est-à-dire que du coup, tu n'es plus tout à fait la même personne. Et en tout cas, toi, il y a des nouvelles facettes qui apparaissent. Tu vas te comporter différemment. Et ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle et c'est hyper enrichissant pour toi, en fait, d'exister de différentes façons dans une seule vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que du coup, cette façon, ces différentes façons, prenons ton exemple. Quand toi, par exemple, tu commences une relation avec quelqu'un et tu découvres une nouvelle facette de toi, est-ce que cette facette-là de toi, tu ne vas la voir qu'avec la personne avec qui tu as cette relation, ou est-ce qu'elle va, elle va venir enrichir aussi les relations que tu avais déjà, en fait? Ben, normalement, elle vient enrichir cette relation. D'accord. Ouais, ouais. Parce que... je sais pas, moi, je vais être excitée, parce que je suis très sexuelle, donc, je vais être excitée, par exemple, par le fait de me faire attacher dans des cordes avec un amant, alors qu'avec mon mari, pendant des années, j'ai refusé qu'il m'attache. Bon. Mm-hmm. Et que quand il m'a attaché, ça s'est jamais bien passé. Ou alors, enfin, c'était pas aussi vibrant. Ouais. Et, c'est avec lui, il me disait, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi? Et oui! Peu importe ce qu'il a maintenant, ça m'excite. Et puis qu'en fait, ça nous ouvre plein de possibilités et que ce truc-là, en fait, je peux l'avoir avec n'importe qui. Ça et génial. Oui. Enfin, on s'en fiche, en fait, après, tu vois, de pourquoi lui. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça, ça m'a excité avec lui et pas avec lui. Voilà. Par contre, ce qui peut être difficile à vivre, j'imagine, c'est si ça, si, prenons cet exemple des cordes, ça t'excite d'être attaché que quand c'est Gontran qui t'attache, et quand François t'attache, ça t'excite pas, jamais. Ça va être compliqué à vivre. Oui, alors après, c'est la question justement de... quand on parle de la jalousie, des fois, en fait, ça implique de l'envie. De et l'envie oui. Par rapport à ce que l'autre vit, et d'autres facettes ou d'autres expériences que l'autre vit. Souvent, ça va être plus de l'envie, en fait, d'un des deux partenaires. Ça arrive, hein. Et oui. On prend un exemple un peu extrême, hein, parce que souvent, si t'aimes me faire attacher par l'un, t'aimerais te faire attacher par l'autre. Mais, admettons par exemple que, je sais pas moi, tu fais des soirées justement, je sais pas, avec une personne, tu vas à l'opéra et pas avec l'autre, alors qu'elle a envie d'y aller avec toi. Hein, l'autre aura forcément envie. Elle dira, mais pourquoi, on n'y va pas que avec moi? Le polyamour est-il le futur des relations humaines? Des vôtres, peut-être? Faites ce que vous voulez de votre vie. Sans considérer le polyamour comme une étiquette de plus, mais comme une ouverture vers le champ des possibles. La perfection n'est pas de ce monde. Le polyamour n'est pas une solution à tous les maux de la terre, mais c'est une alternative au modèle dominant, à paramétrer soi-même, en connexion avec d'autres singularités. En effet, aucun modèle de couple ou relationnel ne fonctionne dans l'absolu. Et tous les modèles de relations fonctionnent au moins pour certaines personnes. Il faut juste trouver le vôtre qui va fonctionner selon votre moment de vie, votre envie, votre âge, votre estime de vous. Nous évoluons et dans une vie, on peut même avoir plusieurs relations avec une même personne ou avec plein de personnes différentes ou similaires, des relations platoniques intenses ou des idylles sexuelles multiples. Et est-ce que, du coup, au final, je vais te poser une dernière question, le polyamour, c'est pas aussi accepter de gérer beaucoup, de se retrouver beaucoup confronté à la fois au caprice qu'on peut faire, mais à la frustration et au fait qu'on te dise non. Puisque tu dis beaucoup que dans le polyamour, ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer ses désirs et d'entendre les désirs de l'autre. Mais dans le désir, il y a aussi le refus. Et c'est comment on gère cette frustration, parce qu'il doit y avoir aussi beaucoup de moments où c'est j'ai envie de te voir, et ouais, mais moi j'ai pas envie ou je peux pas en fait. C'est apprendre à gérer aussi le refus et la frustration, du coup. Oui, pour les gens qui vivent pas ensemble, oui. Et ouais. Vivre ensemble, c'est autre chose, mais même de toute façon, tu aurais la même chose en fait dans un couple monogame. Admettons que moi je vais y aller à l'opéra, mais toi t'as pas envie ou t'as jamais envie ou tu préfères rester dans ton canapé. Voilà. Et... Il y a plein de choses où les gens, en fait, pourraient se reconnaître aussi dans un couple monogame, en fait. Eh ouais, je suis d'accord. Là, tu peux les avoir, effectivement. Je sais pas, moi, ton mec, il regarde tout le temps le foot et toi, le foot, ça t'a jamais intéressé. Bon, ben, tu l'auras aussi, cette frustration-là. Hein. La vie, c'est composé. Hein. Bon, l'autre, il a envie de regarder le foot. Très bien, ben, moi, j'ai toujours adoré l'opéra et j'ai toujours aimé la musique. Bon, je crois que je vais aller à des concerts, en fait. Non, je vais pas aller au foot. De toute façon, t'aimes pas ça. Eh oui. Bon, de toute façon, je regarde le foot. Qu'est-ce que ça change? C'est ça. Et finalement, quand t'es, là je le dis avec un ton un peu sarcastique, mais si on est bienveillant par rapport à ça, moi ça fait des années, effectivement, j'allais au Solidize avec un amant et mon mari aime pas la musique et on a passé des festivals absolument incroyables. J'avais très envie d'écrire ce livre parce que je suis convaincue que nous devrions avoir le choix pour agir en pleine conscience et ne pas considérer qu'il n'existe qu'un seul modèle possible. Le polyamour ne convient pas à tout le monde, mais il est signe d'une grande ouverture d'esprit. Si je raisonne par analogie, je dirais que quand vous apprenez une langue étrangère, ça change votre façon de penser le monde qui vous entoure. Vous intégrez de nouveaux concepts qui n'existaient pas dans votre langue maternelle, une nouvelle culture, vous acquérez de nouvelles références. En cela, le polyamour peut remettre en cause les normes sociales, leur sens, leur rigueur, voire la culture dans laquelle nous baignons. Moi, ça m'a fait envisager différemment le cinéma ou même la littérature. Le Rouge et le Noir de Stendhal, par exemple. Ça me semble complètement absurde comme histoire. J'ai juste envie de dire aux personnages de se parler en toute transparence des attentes de chacun, en pensant très fort que ça aurait évité à Julien Sorel de mourir. Logique. Mais que serait la dramaturgie sans tous nos paradoxes bien humains ? Le dogme de la monogamie m'apparaît quelque peu totalitaire. J'espère que vous pourrez déconstruire les choses qui vous encombrent en trouvant votre propre voie d'émancipation. Et le rapport à la solitude dans le polyamour ? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on est tous confrontés dans notre vie à « est-ce que j'ai besoin de l'extérieur pour ne pas me retrouver seule avec moi ?» Ce qu'on a beaucoup vu d'ailleurs avec le confinement, où il y a plein de gens qui se sont retrouvés... confrontés à eux-mêmes, et est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une fuite dans « je remplis ma vie de relations en permanence », ce qui fait que j'évite la relation principale à laquelle que j'aurai de ma naissance à ma mort, c'est la relation avec moi. Alors, je n'ai pas rencontré ces cas-là. Moi, les polyamoureux que je vois, en tout cas, ceux que j'ai interviewés, ouais. Je n'ai pas senti ça, et puis je suis pas psy, donc je ne pourrais pas te dire, tu vois. Ouais. Là, et puis, non, au contraire, j'ai eu l'impression d'avoir des personnes qui avaient bien conscience justement de la mort, qui avait conscience qu'on n'avait qu'une vie, qui avait d'accord. conscience que la relation à l'autre, elle est fragile, que ouais. Non, qu'il y a plein de petites, enfin que le moment d'amour en fait pourra chérir et que c'est hyper beau en fait. Ouais. Non, j'avais pas cette impression-là. Ouais. Au contraire, j'avais l'impression d'avoir des gens qui avaient pris le temps de réfléchir sur la vie. Oui. Oui, oui, ça implique forcément à un moment donné une réflexion par rapport à la vie. Ouais. Et la conscience de la mort par rapport au polyamour, comment tu rapproches ça? Pareil, en fait, je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu as conscience de ta propre mort, chaque moment, tu as envie de le vivre en conscience et tu as envie, en fait, d'être maître de ta vie, en tout cas, d'être l'acteur et pas subir, en fait, des choix, d'être dans les non-dits et de laisser le film se dérouler devant tes yeux. Ouais. Bon, ça. C'est joli. Oui, je trouve que c'est un fait que c'est applicable pour tout le monde, c'est on peut devenir ouais. acteur. Ah ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, de partager, de... Mais non, que je t'adore, que j'adore tout ce que tu fais. Je suis très contente justement d'avoir fait ce podcast avec toi et que quel que soit en fait le mode de vie qu'on choisit, je suis d'accord avec toi, tant qu'on le fait en conscience, c'est ça en fait, faut être bien. C'est ça. Au moins qu'on essaye d'être heureux, ce serait pas mal. Eh bien, écoute, merci infiniment. Merci à toi, Charlie. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast consacré à Ève de Candolie et à son livre Oser le polyamour. Alors, bien entendu, sur mon site, il y aura l'article qui présente ce podcast avec tous les liens, le lien vers le site de Ève, le lien pour vous offrir ce livre qui est vraiment très très bien foutu, qui est intelligent et qui, je trouve, qu'on ait envie de tester le polyamour ou que ça ne nous parle pas du tout, il parle surtout de liberté, de conscience et de ramener de la conscience dans nos vies, dans nos choix, assumer la totale responsabilité de nos actes et reprendre notre liberté si on en a envie. Et en tout cas, prendre conscience de tous les endroits où on n'est pas libre. Vraiment, en ça, je trouve que c'est super bien fait, avec plein de clés aussi pour décoder nos propres fonctionnements, nos émotions, et des clés aussi pour comment je gère après mon émotionnel, etc. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Je vous le recommande, vraiment. Que vous ayez envie de tester le polyamour ou pas, vous allez apprendre plein de choses sur vous, j'en suis certaine. Un grand merci encore une fois à Ève de Candolie pour cette interview. Son site evdecandolie.fr et puis tous les liens sur mon site pour vous offrir le livre. Je vous redonne le lien de mon site évidemment, lec.charlie-liveshow.com. Et sur mon site, vous pouvez, je vous le rappelle, devenir Patreon et soutenir le podcast Les Lectures érotiques de Charlie, podcast totalement autoproduit et j'ai besoin de votre soutien et de vos sous, je dois l'avouer, hein, il faut être appelé un chat, j'appelle bien une chatte à longueur de temps. Donc, bah, si vous avez envie de soutenir mon podcast, faites-le et dès 5 $ par mois, vous avez même droit à des podcasts exclusifs qu'il n'y a que rien que vous qui pouvez les écouter. Voilà. Je vous embrasse, vous pouvez reprendre une activité normale puisque ce podcast touche à sa fin. Je vous rappelle l'adresse de mon site lec.charlie-liveshow.com. Prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle lecture.